souviens pas de moi, c'est que t'as la maladie d'Alzheimer. Je vois les choses en grand, comme Minimati dans un humeur pas connu, mais pas besoin de répéter le nom. Je suis pété non, mais je vais péter le monde comme Zé Pequeño. J'ai vu le maire de la ville à la Gay Pride. C'est grave comme un SDF avec des Prada. Meneur ou sœur su, tes seuls juges, c'est le désert sur mon compte. Et mon compte a fait des airs sup. On a tous des pensées noires, très noires. Les jeunes jettent leur cartable très loin et très noir. Y'en a peu qui pleurent, vieux et qui fleurent. Deux, parce qu'elle est brune comme la mère de Stifler. Cousin Mendoza, l'indice est babouin. La vie douane, on a la gouache, la poigne et on passe la douane. Moi, je reste zen et tu veux me ken. C'est quoi le blème? T'aimes la haine, ma mène. Au fait, t'aimes, c'est quoi le thème? Sur scène, y'a pas de thème. Le rap se tape contre la drogue. Allez dire au diable, j'ai vu le pape prendre de la drogue. Que les anges entendent, que les temps changent en 2004. Qui si c'est la merde? 2000 temps, frappe sur 2000 pattes. Je vais tout péter. Je veux pas être dynamique dans le vide. Y'a mon baptême, ma mère. M'a mis de la dynamite dans le vide. Que j'ai battu les pattes. Les mecs qui pensent me mettre des buts. Que le monde m'écœure. Leur cœur n'est que la reine des buts. Va dire aux putes qu'il y a pas de thème. Que des connards ont des groupies. J'en mets plein sur les murs. Comme une grenade prend des goupilles. On parle de drogue. Qu'y'en a pas mal qui gueule sous effet. Que la vie s'affaite. Je m'assois dessus, un zigueule sous les fesses. On sait l'estime que j'apporte au ricain. Que partout j'entends. T'es pas musulman, t'as l'air portoricain. Va dire aux jeunes. Que dans le rap, les règles sont strictes. On fait pas du son street quand on montre son string. Les 19, babouin. Retiens les noms, s'te plaît. Écoute les 16 de bille. Est-ce que mon 16 te plaît? Son morceau, on l'a remémoire s'il est feu. Feu, à refrain. Écoute le voir s'il est feu. Les 19, babouin. Retiens les noms, s'te plaît. Écoute les 16 de bille. Est-ce que mon 16 te plaît? Son morceau, on l'a remémoire s'il est feu. Feu, à refrain. Écoute le voir s'il est feu. Ce soir, j'suis off. J'ai pas envie de macrophone, j'suis à faune. Sonne mon Samsung, xénacophone. J'peux pas dire non, car ça peut me coûter cher. Un jour devant la tour Eiffel, y'aura personne pour me faire la courte échelle. J'me lance, mais j'serai pas dans le top 10 des 16. Ici la thèse des 16, donc tu t'aimes. Là, son enterrement, clairement. Il fallait un couplet entièrement, ou était incomplet. À peine si m'sur et j'dérive, même si m'sur le beat assure moi. J'suis pas terrible, voire horrible. Y'a rien de torride dans ma story. J'risque pas d'instaurer un son historique. C'est tout ce que je délivre, des lèvres, ma déchiffre des lettres, lire des livres ou des lettres d'un spin. Sur la mélodie, c'est le maître, un de rond. T'aimes pas, tu me le dis, que je remette à zéro. Boboche la croix, certains disent que l'enfer est là-bas. Y'a du béton des tours, y'a aussi grand frère et la bac. Toujours les mêmes ganaches, qu'on voit de nos cataractes. Y'a peu de calache, mais y'a des jeunes carages. Mande à Kanak, ça pète de partout comme à Tel Aviv. Il est temps de quitter le navire, quitter la rive et enfin kicker la hive. J'arrive entre les traîtresses et les faucons de flics. J'éviterai le stress, même s'ils font tout pour qu'on flippe. Boboche pays du rap, bah je veux une paye du rap. Y'a trop d'MC qui nous anesthésie mieux que la péridurale. La preuve, j'ai oublié le thème. J'avais pour ce couple les couilles et je m'en rappellerai plus du tout, même si on me coupe les couilles. Donc je parle de tout et de rien, comme un psychiatre fou. Était-ce un thème censé un truc de Huck ou bien du Pikachu? D'habitude, des sujets, moi j'en ai des centaines. Mais là, je suis à la 16ème ligne et j'ai fait un couplet sans thème. Les 19, babouin. Retiens les noms, s'te plaît. Écoute les 16 de bille. Est-ce que mon 16 te plaît? Sur le morceau, on l'a sans mémoire s'il est feuille. Feu, t'es à refrain. Écoute le voir s'il est feuille. Les 19, babouin. Retiens les noms, s'te plaît. Écoute les 16 de bille. Est-ce que mon 16 te plaît? Sur le morceau, on l'a sans mémoire s'il est feuille. Feu, t'es à refrain. Écoute le voir s'il est feuille.